Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés. Car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'Église du Seigneur. Madame, je dis la vérité et je ne mens point. Je serai un menteur si je dis que je ne suis pas le sauveur de l'humanité aujourd'hui. Je serai un menteur si je dis que je ne suis pas la lumière du monde. Vous voyez la vérité. C'est la seule voie. C'est qu'Akou Philippe est le chemin, la vérité et la vie. Et je serai un menteur si je dis que je ne suis pas le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, on va vous démontrer par l'Esprit du Père, mon Père qui m'a envoyé dans ce monde, dans cette époque, dans ce siècle, qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Bref, toujours est-il que le Père a permis que je sois le seul dépositaire de la loi, le seul qui va porter sa parole dans cette époque-ci, dans ce siècle. To people. So I would never force myself onto the Pope or force myself onto a religious leader to have a discussion. If they want to have a discussion with me, I'm very open to having a discussion with them. The primary message is that there's two forms of love. There's the love that comes out of the individual given to another, and there's God's love that can enter the individual. And God's love has the power to transform not only the individual into becoming a more loving person, but also transform the world. And what we're trying to encourage people to do is to engage this process with God. Moi, c'est Dieu Esprit-Saint. J'ai fait un homme ciel pour Père de Jésus-Christ, beaucoup de la Vierge Marie. Avec un peu de bon sens, quand on voit par la main, on sait que c'est Dieu. Bon, il y a des évidences. Ma condition humaine, c'est pas parce que je suis dans la chair d'une femme que je ne suis pas ce que je suis. Dieu, Abba, quelle que soit sa condition, il est ce qu'il est. Et quand, depuis que je suis dans la chair, j'ai dit que je suis Dieu. Et je le répète, je n'ai pas dit que je suis un prophète. Je n'ai pas dit que je suis un envoyé de Dieu. J'ai dit que je suis Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Et c'est ce que je suis que je dis. Et depuis que je le dis, rien ne m'est arrivé. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés,